Bienvenue sur les Cahiers Libertaires, vous êtes sur l'émission du blog Révolution et Liberté. Aujourd'hui c'est le 14e épisode et nous allons nous attaquer à la vaccination et à l'homéopathie. Donc comme d'habitude, cet épisode il sera pas neutre, nous assumons totalement notre côté militant et on va quand même faire un constat d'abord sur la vaccination avant de développer un peu plus. Donc tout d'abord, il existe différents mouvements sous couvert de vaccination libre et de certains qui repoussent les adjuvants comme l'aluminium. Et c'est finalement, ça pousse ces personnes à combattre la vaccination. Et on constate que ces dernières années, ce phénomène il prend beaucoup d'ampleur et qu'il est important de s'en préoccuper de façon à mieux éclairer les personnes qui se posent des questions à ce sujet. Alors, dans cet épisode, il ne s'agit pas de débunker la vaccination des différentes théories du complot qui pilulent sur la toile, mais on constate qu'il existe des pages qui le font déjà, comme la page Les Vaxeuses, et pour anecdote, ils ont diffusé un post, et il y avait un anti-vax, il disait dans collabo, il y a le mot labo, et finalement le collabo, ce serait celui qui est possédé par Big Pharma, etc. Et il existe des chaînes sur YouTube comme Defecator qui se sont beaucoup amusés à essayer de comprendre le mouvement anti-vax. Donc il y a une vidéo de près d'une heure. Donc je vous laisse y aller, c'est sur YouTube. Et on peut se poser la question suivante, c'est comment on a pu remettre en cause les intérêts de la vaccination ? Il s'agit de différentes thèses liées à la complosphère et à des sectes. Donc on a les écoles Steiner-Waldorf et les écoles Lefebvre qui restent des foyers d'infection très importants. Mais on a aussi les témoins de Jéhovah ou l'église de la Scientologie. Le problème, c'est que leur croyance, ça soulève un problème de fond. C'est parce qu'il faut également souligner que la Miviludes, c'est l'organisme qui lutte contre les dérives sectaires, ne fait peu ou rien contre ces écoles privées qui sont souvent hors contrat. Et il faut dire que le ministre de la Santé a transformé la couverture vaccinale en 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018. Et on peut se poser la question, c'est pourquoi un ministre a choisi les 11 vaccins obligatoires ? C'est parce que aujourd'hui, la tuberculose, les hépatites, la rougeole et bien d'autres maladies augmentent de façon crescendo, mettant en danger une partie de la population. Et il s'agit d'une des conséquences des anti-vaccins et de la prolifération des maladies contagieuses du siècle dernier. Dans les services de médecine interne spécialisés en maladies infectieuses, c'est ce qu'on constate, une recrudescence de ces maladies. On constate qu'à aucun moment ces personnes qui se battent contre le vaccin ne s'intéressent à la mise en danger du personnel soignant. En effet, lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie contagieuse, différents protocoles sont mis en avant pour protéger les autres patients. On notera également qu'il y a souvent des isolements de type R ou de type contact dans le cadre de la tuberculose. L'isolement peut durer entre 10 et 20 jours. Et cela coûte entre 9 100 € et 18 200 € au minima sans prendre en compte les frais supplémentaires liés au fait qu'il s'agisse d'une médecine spécialisée ou encore du forfait hospitalier. Pour le cas de la grippe, il s'agit d'un isolement gouttelette. On ne parlera jamais assez de la nécessité de mutualiser les lits pour les isolements ou les chambres individuelles. Il ne faut pas croire que derrière ces actes quotidiens, tout soit gratuit. Au contraire, une journée à l'hôpital coûte des milliers d'euros au contribuable. Pourquoi le contribuable paierait-il les conséquences d'un choix individuel et personnel mettant en danger la vie du personnel soignant et des autres malades à l'hôpital ? On notera également que le prix des médicaments est souvent remboursé par la sécurité sociale. Donc, il y a une des théories dans le mouvement anti-vax, c'est la théorie de l'hygiène. Donc pour tenter d'expliquer le nombre de maladies et le fait qu'elles ont baissé, les anti-vax avancent l'argument de l'hygiène. En effet, selon eux, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, etc. sont liées à une hausse de l'hygiène dans les différentes civilisations. Comment expliquer que la baisse de ces maladies soit liée entre autres à l'apparition systématique des vaccins? Donc, ils n'ont pas de réponse, pourtant on constate que la mauvaise foi est très présente. Ils n'ont pas d'explication. Pire, pour que leurs enfants aillent dans des collectivités, les vaccins sont obligatoires. Que font-ils? Ils falsifient le carnet de santé avec les vaccins. Un problème se pose en effet, si tous les enfants ne sont pas vaccinés parce que leurs parents ne veulent pas ou parce qu'il y a des contre-indications médicales. Or, les enfants vaccinés peuvent être porteurs du virus, mais ils sont immunisés grâce aux anticorps produits par le vaccin. Ils sont séronégatifs. L'enfant, pourtant propre, ayant une hygiène irréprochable, contracte la maladie. Cela peut se transmettre comme une traînée de sable. Dans l'entourage, un petit garçon, il y a certainement des personnes âgées, auquel cas les rappels des vaccins n'ont certainement pas été faits. Or, les personnes âgées peuvent contracter des maladies, et je vous raconte pas la galère si la grand-mère ou le grand-père est dans une maison de retraite. Cela peut se terminer par la contamination de l'ensemble de la maison de retraite. Ensuite, la question de l'aluminium. Il faut dire que la problématique de l'aluminium reste un des chevaux de bataille pour les antivax et les altervax. On parlera d'altervax pour ceux qui ne sont pas contre, dans le fond, de la vaccination, mais qui se battent pour la liberté vaccinale ou encore des vaccins sans aluminium. Le droit à vouloir ou non se faire vacciner reste un des piliers pour ces derniers. Dans les pays où le taux de couverture vaccinale au sein de la population est élevé, cette idée du bon sens, cette idée aurait du bon sens puisque les personnes se vaccinent sans l'intervention de l'État. Ils sont dans une démarche volontaire. Or, en France, ce taux de couverture est trop faible et le mouvement des anti-vax prend de l'ampleur. Pourtant, sur la question de l'aluminium, on ne les entend jamais crier sur le fait que ce dernier soit vendu dans les supermarchés et qu'il soit un des éléments majeurs des canettes de coca, des bières ou encore des emballages alimentaires. Il y a une contradiction puisque les antivax continuent d'utiliser de l'aluminium dans leur quotidien. Il faut rappeler que la Terre est composée d'environ 8,1% d'aluminium et que si l'aluminium était réellement dangereux pour la santé, il y aurait un sacré problème de santé publique. Mais pour autant, on constate qu'il n'y a pas de problème de santé publique, c'est que l'aluminium n'a aucune interaction avec le corps humain. Pire, le corps humain possède naturellement de l'aluminium sous forme d'enzymes, pour autant les antivax ne remettent jamais cela. Pire, s'ils le remettaient en place, cela aurait une conséquence de remettre en entier leur argumentation, puisque si on a des micronutriments dans notre corps à l'état naturel qui sont dangereux, on serait tous malades, sans distinction. Et ils affirment qu'il y aurait un lien entre les maladies neurodégénératives et l'aluminium. Il s'agit d'une fausse affirmation liée au fait que certaines personnes ont mis en lien le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Si cette maladie reste vraiment désagréable pour ceux qui en sont victimes, il faut le dire que s'il y a un lien chronologique entre l'injection du vaccin et le diagnostic de la maladie, il n'y a aucun lien clinique entre la maladie et le vaccin. Si la polémique est née en 1998, le sel d'aluminium est utilisé tout de même depuis 1920. Comment expliquer qu'entre 1920 et 1998, soit près de 70 ans, aucune polémique existait? Comment se fait-il que d'un coup l'adjuvant aurait créé des maladies alors que pendant 70 ans, ces derniers n'ont créé aucune maladie? La réponse est assez très simple, il s'agit d'une invention des antivax. En 2013, le Haut Conseil de la Santé publique a déclaré dans ses conclusions que les sels d'aluminium sont ajoutés aux antigènes depuis 1920, sans qu'aucun pays ou instance officielle n'ait jamais remis en cause le bien fondé de cette adjonction, ni la sécurité des vaccins contenant cet adjuvant. Et que les publications concernant des séries de cas de myofascites à macrophages de l'adulte proviennent d'une seule équipe dans le monde, le lien entre la vaccination et la présence dans les mutes de granulomes contenant de l'aluminium est reconnu.

qui soit, de garder une poignée de main par devers soi. Le premier m'a dit fou le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, bien bas. Et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, elle a terminé sa carrière à la fourrière. Que vous êtes un peu détendu. On termine sur la chanson de Georges Brassens, tout doucement, doucement. Et là, on va s'attaquer sur la question des 11 vaccins. Donc, à l'époque, nous avions Marisol Touraine, ministre de la Santé. Cette dernière était sur la même ligne que la ministre actuelle, c'est-à-dire néolibérale et conservatrice. Il s'agit d'une décision du Conseil de l'État du 8 février 2017, antérieure à la prise de fonction de Agnès Buzyn, et que, en fait, ce passage-là, il est lié à l'aluminium, mais bon, je l'avais mis dans les 11 vaccins, c'est pas grave. Et que cette décision, elle affirme que les requérants n'apportent aucun élément sérieux à l'appui de leurs allégations tenant à l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne. Autant dire qu'ils n'ont pas d'explication et d'arguments solides, mais aussi en matière de preuves. Or, jusqu'à présent, dans la démarche scientifique, les éléments apportés au débat doivent être solides, pas comme actuellement. Il s'agit également d'une décision politique pour tenter d'enrayer la progression de certaines maladies que l'on croyait disparues. En effet, la politique sanitaire se situe au niveau macro. Plus la couverture vaccinale est importante au sein de la population ou d'une communauté, plus le risque de développer ces maladies sont faibles. La couverture vaccinale permet de protéger ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de contre-indication, comme nous l'avons déjà évoqué, mais aussi qui sont trop jeunes pour se faire vacciner, comme les bébés ou les nourrissons. Pour ceux qui voient dans cette manœuvre une vision de Big Pharma censée s'enrichir, il faut savoir qu'en moyenne, la recherche et développement se situe à 8,5% du chiffre d'affaires sur l'ensemble du globe et monte à 10% pour la France en 2014. La part des vaccins du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques se situe aux alentours de 10%. Et que cela implique que le reste des médicaments se situe autour de 90%. Malgré ces chiffres qui restent publics, l'argument sur le fait que les lobbies pharmaceutiques s'enrichissent grâce aux vaccins, la vie dure. Un autre argument est le fait que les patients seraient plus sensibles à des vaccins, et notamment sur le fait qu'ils reçoivent 11 doses de façon simultanée. Et la stimulation immunitaire, en particulier des enfants, serait trop faible pour recevoir près de 11 maladies. Pourtant, l'ensemble des études démontrent le contraire. Pour le reste, pour rester logique avec leur doctrine et leurs croyances, les antivax avancent que les études seraient montées de toutes pièces. Ils préfèrent que la maladie, comme la rougeole, touche de plein fouet. Or, d'une part, ce sont des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'ARS, comme la tuberculose. Mais il faut savoir que l'horreur, il coûte 16,71 euros et qu'il est remboursé à 65% par la Sécurité sociale et que le reste est pris en charge par les mutuelles. Toutefois, il est pris intégralement en charge à 100% pour les enfants de 1 à 13 ans. Et par contre, le passage à 11 vaccins a un coût de 364,34 euros. Donc il est toujours pris en soin à 65% par la sécurité sociale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est gratuit dans les centres de vaccination pour permettre à ceux qui n'ont pas de mutuelle de se faire vacciner gratuitement. Les premiers résultats restent positifs. De plus, les traitements coûtent extrêmement cher. On estime que cela coûte environ 25 millions d'euros à la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés, qu'ils soient à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient des salariés ou des patrons. Certains médecins, comme le professeur Joyet, continuent cependant à faire sa propagande. On espère qu'un jour, le Conseil de l'Ordre des médecins de France le radiera comme Andrew Wakefield. Mais un des problèmes majeurs chez les anti-vax, c'est qu'ils sont très susceptibles à la pseudo-science. Donc souvent, on les voit aller chez des homéopathes, des naturopathes, des magnétiseurs, des énergiseurs, et un peu toute la charlatanerie de la pseudo-science. Donc pour cet épisode, on va s'attaquer en particulier à l'homéopathie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-vaccins sont très ardus de l'homéopathie. Et que il faut savoir que l'homéopathie a été créée par Samuel Hahnemann entre 1700 et 1800 sur le principe de soigner le mal par le mal avec des quantités nano ou picoscopiques. On parle également de la mémoire de l'eau. Les médecins qui se revendiquent homéopathes se nomment des médecins homéopathes. On constate que les homéopathes sont souvent une des causes à un mal-être lié à la vaccination. Ce sont des praticiens particulièrement dangereux puisqu'ils ne soignent pas, mais pire, ils peuvent augmenter les conséquences sanitaires. L'Ordre des médecins a pris position contre l'homéopathie et on constate que les partisans de l'homéopathie sont scandalisés. Pourtant, il faut se fier à ce que dit la science. Aucune étude scientifique en double aveugle n'a été fait depuis près de 200 ans. Donc on attend toujours des études rigoureuses sur ce sujet, mais on peut affirmer une chose claire. Elles ne viendront jamais pour une raison simple, l'homéopathie ne fonctionne pas. Toutefois, l'ordre de médecins devrait aller beaucoup plus loin en radiant les médecins qui pratiquent l'homéopathie. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut laisser des praticiens donner des conseils sur la base de vent. De même, il semble logique que les médicaments dits homéopathiques n'ont rien à faire dans des pharmacies, puisque par une définition, ce ne sont pas des médicaments. Ils peuvent être vendus dans les supermarchés et on peut les mettre, par exemple, à côté du sucre. Donc le gouvernement prévoit de dérembourser l'homéopathie afin de faire des économies sur la sécurité sociale. S'il est vrai que chez les Révolutions et Libertés, nous ne sommes pas en faveur des économies structurelles que les gouvernements néolibéraux font pour réduire le train de dépenses de l'État afin de rembourser la dette et de générer un excédent budgétaire. Pourtant, dans le cadre de l'homéopathie, il s'agit d'une décision de bon sens. Comment peut-on justifier que les médicaments sans effet notable puissent être commercialisés et remboursés par la sécurité sociale alors qu'ils n'ont aucun effet thérapeutique sur les patients qui le prennent? Il s'agit d'une économie estimée à environ 700 millions d'euros. Ce n'est pas anodin, cet argent. Avec cet argent, on peut créer des hôpitaux ou embaucher plusieurs milliers de soignants à un moment particulièrement critique, puisque les soignants sont confrontés à une hausse de la quantité de travail, à une baisse structurelle des moyens comme la suppression des services ou encore à une baisse des effectifs. Cela pourrait leur permettre de souffler un peu. On peut imaginer également que cela peut sauver des soignants puisque le taux de suicide y est très élevé. Pendant ce temps-là, chez les croyants, une pétition a été lancée. Mon homéo, mon choix. On ne nous demande pas de les empêcher de consommer, même des petites granules, mais que les petites granules ne soient plus remboursées. Certaines personnalités comme Xavier Bertrand, qui est un conservateur et néolibéraux, a signé cette dernière. Si chez les cahiers libertaires nous sommes clairement opposés au libéralisme politique, on constate que la partie matérialisme de la philosophie libérale a laissé place à l'obscurantisme. Toutefois, on peut y voir un certain signe de clientélisme et c'est vraiment rance, quoi. En même temps, n'est-ce pas pour rien que Xavier Bertrand soutient Emmanuel Macron et son capitalisme mafieux, entre parenthèses. Les adeptes de l'homéopathie affirment que l'homéopathie n'est pas dangereuse pour la santé, et là, il faut concéder qu'ils ont vraiment raison. Mais s'ils ont raison, que ce n'est pas celle qu'on donne à celle de ses croyants. En effet, la quantité de molécules actives dans la dilution est bien trop faible pour avoir un effet quelconque sur des actions au niveau de l'organisme. Il s'agit avant tout d'un effet placebo. Les médicaments ont une concentration nommée en CH, par exemple l'oxylocusunum granulé contre la prévention des effets grippaux à une dilution de 400 CH, ce qui correspond à une dilution de 10 puissance moins 400. Et il faut savoir qu'on constate que les valeurs de dilution de au-delà de 12 CH aboutissent au fait que statistiquement, à moins d'une molécule active par dose, il n'y a pas de molécule et que c'est que du sucre, comme nous le disions au-dessus. Ironiquement, les homéopathes critiquent souvent Big Pharma, mais se laissent convaincre par des laboratoires comme Boiron, et ces derniers investissent une somme assez conséquente dans le marketing et très peu dans la recherche de développement, de l'ordre de 0,3% du chiffre d'affaires. On peut se poser des questions sur les explications sur le fait que cette recherche soit si faible. Cependant, dans l'homéopathie, il n'y a rien à chercher puisque l'homéopathie ne génère aucun effet sur l'organisme. Et voilà. Donc cet épisode est maintenant terminé. Et ciao, à la prochaine.